Comença a partir d'aquests moments una nova edició de Hola la Music amb Rafael Corbí. Molt benvinguts i molt benvingudes. Fini les romances, rien que du silence. La música ens acompanyarà amb el programa d'avui a través dels nostres col·laboradors, però també amb una selecció d'àlbums que en les darrers setmanes, darrers mesos, hem estat portant-vos amb alguna peça determinada, i avui els escoltem amb el seu conjunt. Parell o tres de cançons de cada un d'aquests discos, d'aquests CDs, que ens van quedant arraconats, però que volem que escolteu. Com, per exemple, aquest disc de la cantant Cor de Pirata, que ens arriba, recordem, és la Beatriz Martín, nascuda el 22 de setembre del 1989. És una cantant canadenca, cantant i compositora nascuda a Outremont, al Quebec. És l'artista que ja van qualificar amb el nostre programa com la que ha portat la cançó francesa a tota una nova generació de joventut quebequesa. Avui escoltarem un parell de temes del seu àlbum Roses, publicat el 28 d'agost de 2015, número 2 a les llistes canadenques, i que també va entrar a les llistes franceses al número 5. Els dos senzills en francès publicats, perquè també va haver-hi un en anglès. És una cantant que també utilitza l'anglès amb les seves cançons. Aquest tema que sentirem és Oblida'm, una de les cançons d'aquest disc de Cor de Pirata a Hola la Music. La nuit tremble en moi, laisse-moi tomber, laisse-moi tomber. Corda Pirata va néixer al març del 2007. La banda és liderada per la Beatriz Martín, que composa la seva música, és cantant i compositora, intentant reflexar sempre tot el que és relacionat amb l'alegria. Així ho descriu ella mateixa en una pàgina de Facebook per a la banda. La seva música fa pensar en unicornis, en cotó de sucre, en Islàndia, en ocells estranys, amb el color rosat, les Bahames i coses d'aquestes que et fan feliç. Cridant cap avall és una altra de les cançons també extreta com a senzill d'aquest àlbum Roses de Corda Pirata. Une ligne des aimés qui détruit ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est chaude, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse tremper ensemble. Et si le jour vient pas, et la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. J'ai voulu calmer ton souffle qui s'étouffait, des courses vers le vide, ton rire qui soupirait. Si tu mets le cap vers tes oreilles sans trouble, je serai le phare qui te guidera toujours. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas, dans la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. Une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour vient pas, dans la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour vient pas, dans la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas. De Corda Pirata encara ens queden per repassar àlbums com el Blond, el Rosa del 2011, o el disc que ha publicat, anomenat En casa tempesta, El jardí serà tancat, publicat el 1 de juny de 2018. Mentre, el que fem amb el nostre espai és acabar d'escoltar una darrera cançó d'aquest disc, Roses, del 2015, a càrrec d'aquesta magnífica intèrpret, magnífica compositora quebequesa, anomenada Beatriz, i que actua sota el nom de Cor de Pirata, Bandera Blanca. Comment t'écrire que les journées demeurent longues? J'admire le ciel qui s'étend pour faire de l'ombre. Et t'écrire, c'est dire au revoir et pour de bon. En ciel bercé, enchanté, je t'éteins. Bord à l'autre pour me perdre, pour te plaire. Je t'ai leurré de voyage, de rester sage et d'or et d'or. Et chaque dit que j'abandonne, j'en ai brûlé ton drapeau blanc. Tant que les notes résonnent, je jure qu'on peut arrêter le temps. Ne me laisse jamais seul, ne me laisse jamais seul. Qu'on ne se laisse plus seul avec le temps. Qu'on avait, qu'on puisait hors de toutes les raisons pour s'enfuir loin de ces cloisons. Tandis qu'on se perd dans ces voies invalides, ces instants qu'on perd à force de construire le vide étreinte qui ne se tiennent que de raisons. Et chaque dit que j'abandonne, j'en ai brûlé ton drapeau blanc. Tant que les notes résonnent, je jure qu'on peut arrêter le temps. Ne me laisse jamais seul, ne me laisse jamais seul. Qu'on ne se laisse plus seul avec le temps. Veus femenines a través de l'Ola Music amb el programa d'aquesta setmana, Cor de Pirata ens ha acompanyat i qui ho farà amb les properes cançons serà Shim. Shim és el nom artístic d'aquesta cantant francesa, la Tamara Martin, que va néixer el 28 de novembre de 1985 a Trappé, a França, i que va realitzar el seu primer àlbum, Mes Fantasies, les seves fantasies, el 2006, i des d'aleshores doncs, ha anat publicant àlbums, especialment el seu número 1, el 2012, Chameleon, que és l'àlbum que avui recuperarem a través també del nostre espai. Chameleon era un àlbum en el qual ella trencava bastant amb el que havia portat fins aleshores amb els seus tres primers àlbums. Una cançó, un tema dance pop bastant mogut, que era produït per Luis Coté i Cyril Camar i també escrita per ells mateixos. El primer senzill que va presentar d'aquest disc, el 7 de maig de 2012, va ser aquesta cançó anomenada Etalors. Qui pose sans couleur disent, mais comme ils le pensent, parlez-moi de personnalité, d'originalité, d'idée. Una noia que ha evolucionat molt és filla d'una mare nascuda a l'àrea metropolitana de París, de fet és on va néixer ella, i el seu pare de la Martinica, però amb dos també molt relacionats amb el món de la música, d'aquí doncs que tingués aquesta facilitat també per portar-ho a terme. Va ser descoberta per el rapper libano-francès Camaro, que la va portar doncs a debutar amb el seu primer àlbum. Uns àlbums, els tres primers, molt més dirigits cap a la música pop, cap al rhythm and blues, amb tocs de soul, i que va evolucionar fins a aquest Chameleon, el seu primer àlbum, arribar al número 1, amb una música molt més fresca, molt més poper, però dins el món de la música dance, de la música ballable. Ens preocupem de nosaltres, segon senzill de Shim, que ens acompanya també amb el programa d'avui d'Olala Music. Passe les jours et rien, non rien, rien ne change sur le parcours. Ce sont les mêmes pages qui défilent, les mêmes vers qu'on récite, le même vieux film que depuis 100 fois on rembobine. Et on s'accroche et on s'acharne et on s'abîme et on se gâche, on s'épuise et on s'entame, on s'enlise et on s'éloigne. Et on s'accroche et on s'acharne, on se brise et on s'attarde le soir. Et on passe con, puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous, puisqu'on n'a plus rien à se dire à part bonjour, bonsoir, chérie. Puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous, puisqu'on n'a plus rien à se dire à part salut, ça va, chérie. Puisqu'on se fout de tout, puisqu'on se fout. Et passe, passe, passe, passe, passe, passe les jours comme un lointain souvenir. La dernière fois qu'on s'est fait la cour, on ne s'épuise même plus à chercher les réponses. On ne sait même plus dire

Shim et Sies, el darrer dels temes que sentíem d'aquest Chameleon, un disc d'èxit, doncs, aquest número 1, però a més també un número 1 amb aquest Ed Alors com a senzill a les llistes franceses de música, un número 24 amb la segona que hem escoltat, On se fout de nous, i després aquest número 60 amb el tercer senzill, el quart, el mateix Chameleon, va ser un 124 a França, un èxit molt menor. Després de la música de Corda Pirata i de Shim, anem a escoltar a l'Àngel Rodríguez, a veure quina és la proposta que ens porta per al programa d'avui. Benvingut, Àngel. Amics i amigues de Hola La Music, dediquem avui aquesta peça musical de totes les noies que es diuen Eva. Aquest és el títol de la peça musical que ens interpreta Lisandro Cucci. Aquest artista va néixer a Portugal el 17 de juliol de 1999, però a l'edat de 9 anys la seva família es va traslladar a Cannes. Va guanyar l'edició de l'any 2017 d'aquest programa televisiu ja mencionat en més d'una ocasió, però l'escoltem amb aquesta peça titulada Eva, que optava, curiosament, a ser una de les que representessin França al Festival d'Eurovisió de l'any 2018, però no va ser l'escollida. Tot i així, ha tingut ressò igualment a les emissores de ràdio franceses. Amb tots vosaltres, Lisandro Cucci amb Eva. Eva n'est pas de ces filles qu'on en pense. Les vertiges de la nuit, ça fait des piches qu'elle connaît. Eva n'a pas de temps pour la romance. Elle a blindé son cœur et son corps dans son corset. Dans un décor qui s'illumine, c'est sa poupée qui s'anime. Seul au milieu des ombres sans répit et pas danser. L'amour à la mort et les coups, ça c'est déjà fait. Eva ne connaît pas les jours d'absence. Chaque matin, elle vérifie que le compte y est. Elle quitte le club et sa routine. Elle quittera tout pour sa gamine. C'est au milieu des ombres sans répit et pas danser. Eva, there's nothing but a heartache. And she will be dancing all through the night. Nobody ever see her face. Nobody ever see her face. Doncs així hem escoltat la música que ens recomanava amb el dia d'avui l'amic Àngel Rodríguez. Gràcies, Àngel, amb la companyia de Lisandro Cucci i aquesta cançó anomenada Eva. A meitat del nostre programa és el moment d'escoltar un parell dels temes de Disney cantats en francès. Jean Chanchal ens portarà des de Nantes a França, on va néixer un 28 de febrer del 1978, una d'aquestes cançons, Chem Cheminé. Chem cheminée, chem cheminée, Tchem tchem chéri, pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Tchem cheminé, tchem cheminé, tchem tchem chéro, dans vos mains je trouve chaque fois mon étoile d'or. Un baiser aussi, c'est de la chance encore. Dans l'escalier de la vie qui est bien grand, les marches les plus basses sont pour le pauvre ramoneur. Je vis ma vie les mains dans la Suisse, ça se peut, mais y'a sur cette planète petit plus heureux. Tchem cheminé, tchem cheminé, tchem tchem chéri, pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Tchem cheminé, tchem cheminé, tchem tchem chéro, dans vos mains la chance met un bon numéro. Tchem cheminé, tchem cheminé, tchem tchem chéri, pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Tchem cheminé, tchem cheminé, tchem tchem chéro, dans vos mains la chance met un bon numéro. Je fais le choix de mes brosses avec soin, voyez-vous. Une brosse pour ceci et une pour le tuyau. J'aime bien quand je monte là-haut parce que c'est entre les pavés et les nuages que l'on domine ce monde. Quand on est à mi-chemin du jour et de la nuit, à l'heure où chaque chose baigne dans la demi-clarté, sur les hauts toits de Londres. Quelle beauté. Tchem cheminé, tchem cheminé, tchem tchem chéri, joyeux mes bohèmes, voilà les ramoneurs. Nulle part ailleurs on ne voit-il plus heureux ces braves gens qui chantent tchem chéri, tchem chéro. Tchem cheminé, tchem cheminé, tchem tchem chéri, joyeux mes bohèmes, voilà les ramoneurs. Nulle part ailleurs on ne voit-il plus heureux ces braves gens qui chantent tchem chéri, tchem chéro. Tchem cheminé, tchem tchem chéri, tchem chéro. Esteu escoltant Ulala Music. Passem amb una artista nascuda a Guatemala el 1984, porta, o canta amb una banda que porta el seu nom, i ella sempre busca els escenaris francesos amb una energia frenètica que confirmen els molts concerts que sempre ha donat. El seu nom és el de Carmen Maria Vega, música amb influència de jazz i de rock, canta amb força, amb interpretació i actuació. I també va cantar una cançó de Disney. L'escoltem ara mateix. Je suis là, confiance. I confiança, la música de la Carmen Maria Vega, també amb el programa d'avui Hola la Music. El nostre propi protagonista és un àlbum del 1997 a càrrec d'un autor, compositor i intèrpret francès que neix de mare alemanya i de pare polac, amb un entorn molt lligat, com sempre hem dit, a les esquerres, germà del compositor Robert Goldman. Ell és Jean-Jacques Goldman, una figura ja molt present també amb el nostre programa A Través del Temps. Escoltarem els tres senzills que va publicar d'aquest àlbum En Passant del 1997. dire de quelle vie les vainqueurs, même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés, puis sortis. Et Johnny Winter aussi. On m'a dit c'est qu'une étincelle. Encore à chercher des vertiges. J'apprends à comprendre des filles. À caresser, je me suis dit. Et des flots de couleurs éclatent. Et le beau semble bien. Mais tout est dur. Je marchais au hasard. La soirée était tombée. Avec mon saleté, et je vous ai trouvé. Bonne idée. Hola, la música és el programa de música en francès que escoltes amb Rafael Corbí, fet des de Palafrugell Internet, de l'àlbum En Passant. J'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. Quand tu danses, quand tu danses, mais que deviennent les amours perdus? Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses, y songes-tu? Ami non, ni amant, étranger non plus. Quand tu danses, mais quel après, après s'être appartenu. Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses, y songes-tu? Je crois bien que j'aurai besoin de te voir. Quand tu danses, sans te parler. Ni déranger, mais te voir. Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses, y songes-tu? Et toutes les peines, toutes, contre une seule de nos minutes. Après tant, c'est pas juste. Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses, y songes-tu? J'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus. Mais que deviennent les amours éperdus? Quand tu danses, y songes-tu? Tu danses, y songes-tu?

Alors pour un instant seulement. Alors moi je la crois monsieur, pour un instant seulement. Pour un instant seulement. Parce que chez ces gens là monsieur, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas monsieur, on ne s'en va pas monsieur. Mais il est trop tard monsieur, trop tard. Faut que je rentre chez moi. C'est la police monsieur. Et les bandits. Ah, ah oui, c'est dangereux dehors. Dans les gens. Moment, doncs, d'anar finalitzant el nostre espai Olala Music. Aquesta és la companyia que ens portarà per acabar el programa d'avui una cançó d'en Julian Clerc des del seu Platinum Collection, un disc publicat el 2004. Escoltarem una cançó d'aquest cantant nascut el 4 d'octubre de 1947 a París. El seu nom de pila real era Paul Alain Leclerc, que va canviar el 68 a Julian. Amb aquesta cançó posem punt i final amb el nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. I us esperem de nou a Olala Music. De ses deux bras tendus, elle fait l'horizon et le ciel, où sa tête en se balançant fait toute la course du soleil. Et d'une épaule à l'autre, moi je sais que c'est elle, oui ce nouveau soleil. Moi je sais que c'est elle. Je ne veux pas te dire de serment éternel, éternel. Les réveils sont cruels. Et si l'on me demandait sur la terre où est mon ciel, ou bien si j'ai de l'amour comme une vision nouvelle, moi sans vouloir te nommer, notre ciel n'a pas d'oreille, je leur dirai seulement de toi, je sais que c'est elle, je sais que c'est elle, je sais que c'est elle. Sur ses deux jambes croisées se déchire un murmure. C'est la matière de ses bas qui se plaint et qui me torture. Et d'une cheville à l'autre, moi je sais que c'est elle, cette prison nouvelle. Moi je sais que c'est elle. Je ne veux pas te dire de serment éternel. Éternel, les réveils sont cruels. Et si l'on me demandait sur la terre où est mon ciel, ou bien si j'ai de l'amour.